Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fly me to the moon. La na na na ta. Voilà, salut PC Studio. Est-ce que PC Studio veut jouer Fly me to the moon, Benjamin Sinatra. il me faut un piano. Il jouait du piano debout. Pas jouer. Je ne sais pas jouer. Just to the thank you. Sales fly to moon. The A section. Ah, ok. Mais moi, mon ordinateur, il veut pas aller lancer le truc. Hein. Ah merde, ça veut pas me lancer, moi. Aïe aïe aïe. Ça m'a craché. Ça m'a craché l'ordinateur. Fermez, fermez, fermez. Je fais n'importe quoi. Vas-y. Ah ouais. Of chante avec moi, Massimo. Allez, il s'appelle Massimo au piano, il vient de l'Italie. Faites du bruit pour Massimo. Yeah, man. Ba-da-ba-ba-ba-da-da-da. Oh, yeah.